C'est la première fois que tu viens à mon appart, vas-y viens, ouvre la porte et profite du décor. Et si tes pieds qui t'égrolent, tu crois que je rigole, mais je suis maniaque, un peu blaguin, rien me régale. Chez moi, c'est bouffe, discount, genre marque pouce. Et j'en ai rien à foutre que les poufs disent toutes que c'est de la merde. Sans Jean Hart, je m'en sors et comme d'hab, tu sais, je n'ai pas besoin d'aide. Moi, je graille batterie, aux conneries pleines de bactéries. Je sais que c'est pas terrible et ça épate les potes qui rient. Par terre, c'est mes baskets, Adidas, Nike Air Max, bref. Le genre de l'us bien classe ou naze, le même depuis les 90s, n'en déplaise aux nantis. Ça parle de cheese, santé, saloon. Entre dans mon saloon, dans le coin, tu verras des tailles. Et sur ce point, mes ex me prenaient la tête. Mon putain d'appart, pénètre dans un monde à part. Bordel, disait pote, mortel si t'es mon hôte. Mon appart, un monde à part pour les autres. Derrière la porte, c'est ma vie, c'est mon appart. Mon putain d'appart, pénètre dans un monde à part. Bordel, disait pote, mortel si t'es mon hôte. Mon appart, un monde à part pour les autres. Derrière la porte, c'est ma vie, c'est mon appart. Ma télé n'a rien de plasma, c'est le blasme. Mais devant je m'y place, mat les petites plémates. Au fond, là-bas, c'est la salle de bain. Quoi, je pue? Du coup, j'irai peut-être si je suis sale demain. Si t'es de la clique, y'a de la place dans mon clic-clac. Plus beaucoup de lattes, c'est vos gros culs qui les éclatent. Au fait, faut que je te parle des chiottes. Mon repère, ma caverne, ma grotte. Mais il n'y a rien de glauque. Tous mes invités, tôt ou tard, y entrent. J'pense pour pisser, peut-être chier, mais souvent pour y rendre. C'est une zone de danger, prière de ne pas déranger. Après, si bière, j'apprécie le vidanger. Mon appart a connu trop de reçois. Il est cool, mais des fois, j't'avoue qu'il me déçoit. Genre, les lendemains de fête sans tête ni foi. Où tu sais qu'il va falloir que tu le nettoies. Mon putain d'appart, pénètre dans un monde à part. Bordel, disait pote, mortel si t'es mon hôte. Mon appart, un monde à part pour les autres. Derrière la porte, c'est ma vie, c'est mon appart. Mon putain d'appart, pénètre dans un monde à part. Bordel, disait pote, mortel si t'es mon hôte. Mon appart, un monde à part pour les autres. Derrière la porte, c'est ma vie, c'est mon appart. Enfin tout ça c'était avant, y'a plus de frigo vide. Car dorénavant, j'ai une petite copine. Plus rien ne traîne, j'ai rangé les pornos. Ce nouvel appart n'est pas pour moi. Non, il est pour nous. Maintenant, tout est propre et clean. Ma vie est plus facile. Mes respects à toutes les filles. Devant vous, je m'incline. Les tailles de sirop ont remplacé la tise. Et je lâche beaucoup moins d'euros aux odeurs de pastis. Y'a toujours des apéros avec des potes tarés. Mais ce qui est avéré, c'est que ma meuf est moins atterrée. Au repas, y'a moins de pâtéries. C'est moins pathétique. Aujourd'hui, je bouffe des putains de plats terribles. Par contre, c'est la merde pour le ménage. Faut esquiver pour éviter de le faire se creuser les méninges. Genre, désolé chérie, ce soir, je vais chez un pote. Tu partiras, mais quand la vaisselle sera propre. Mon putain d'appart, pénètre dans un monde à part. Bordel, disait pote, mortel si t'es mon hôte. Mon appart, un monde à part pour les autres. Derrière la porte, c'est ma vie, c'est mon appart. Mon putain d'appart, pénètre dans un monde à part. Bordel, disait pote, mortel si t'es mon hôte. Mon appart, un monde à part pour les autres. Derrière la porte, c'est ma vie, c'est mon appart. Eh ouais, ha, à tous mes apparts. Place du 19 mars 62, 20 boulevard de Bonald, 5 place Lucien Grégoire, 83 rue du Général Cossé, Albi, Lyon.